Chapitre 3e. Ils se revirent. Le soir même, le prince Ernine invitait le baron Altenheim au cabaret Battel et le faisait dîner avec un poète, un musicien, un financier et deux jolies comédiennes sociétaires du Théâtre Français. Le lendemain, ils déjeunèrent ensemble au bois et le soir, ils se retrouvèrent à l'opéra. Et chaque jour, durant une semaine, ils se revirent. On eût dit qu'ils ne pouvaient se passer l'un de l'autre et qu'une grande amitié les unissait, faite de confiance, d'estime et de sympathie. Ils s'amusaient beaucoup, buvaient de bons vins, fumaient d'excellents cigares et riaient comme des fous. En réalité, ils s'épiaient férocement. Ennemis mortels, séparés par une haine sauvage, chacun d'eux, sûr de vaincre et le voulant avec une volonté sans frein, ils attendaient la minute propice. Altenheim pour supprimer Cernine, et Cernine pour précipiter Altenheim dans le gouffre qu'il creusait devant lui. Tous deux savaient que le dénouement ne pouvait tarder. L'un ou l'autre y laisserait sa peau, et c'était une question d'heures, de jours, tout au plus. Drame passionnant, et dont un homme, comme Cernine, devait goûter l'étrange et puissante saveur. Connaître son adversaire et vivre à ses côtés, savoir qu'au moindre pas, à la moindre étourderie, c'est la mort qui vous guette, quelle volupté! Un jour, dans le jardin du cercle de la rue Cambon, dont Altenheim faisait également partie, ils étaient seuls, à cette heure de crépuscule où l'on commence à dîner au mois de juin et où les joueurs du soir ne sont pas encore là. Ils se promenaient autour d'une pelouse, le long de laquelle il y avait, bordé de massifs, un mur que perçait une petite porte. Et soudain, pendant qu'Altenheim parlait, Cernine eut l'impression que sa voix devenait moins assurée, presque tremblante. Du coin de l'œil, il l'observa. La main d'Altenheim était engagée dans la poche de son veston, et Cernine vit à travers l'étoffe cette main qui se crispait au manche d'un poignard, hésitante, indécise, tour à tour résolue et sans force. Moment délicieux. Allait-il frapper? Qui remporterait? De l'instinct peureux et qui n'ose pas, ou de la volonté consciente, toute tendue vers l'acte de tuer? Le buste droit, les bras derrière le dos, Cernine attendait avec des frissons d'angoisse et de plaisir. Le baron s'était tu, et dans le silence, ils marchaient tous les deux côte à côte. « Mais frappe donc !» s'écria le prince. Il s'était arrêté et tourné vers son compagnon. « Frappe donc, c'est l'instant ou jamais. Personne ne peut te voir. Tu files par cette petite porte, dont la clé se trouve par hasard accrochée au mur, et bonjour, baron, ni vu ni connu. Mais j'y pense, tout cela était combiné. C'est toi qui m'as amené ici, et tu hésites. Mais frappe donc !» Il le regardait au fond des yeux, l'autre était livide, tout frémissant d'énergie impuissante. « Poule mouillée !» ricana Cernine. « Je ne ferai jamais rien de toi. La vérité, veux-tu que je te la dise? Eh bien, je te fais peur. Mais oui, tu n'es jamais très sûr de ce qui va t'arriver quand tu es en face de moi. C'est toi qui veux agir, et ce sont mes actes possibles, qui dominent la situation. Non, décidément, tu n'es pas encore celui qui fera pâlir mon étoile. » Il n'avait pas achevé ce mot, qu'il se sentit pris au cou et attiré en arrière. Quelqu'un qui se cachait dans le massif près de la petite porte l'avait happé par la tête. Il vit un bras qui se levait, armé d'un couteau dont la lame était toute brillante. Le bras s'abattit, la pointe du couteau l'atteignit en pleine gorge. Au même moment, Altenheim sauta sur lui pour l'achever et ils roulèrent dans les plates-bandes. Ce fut l'affaire de 20 à 30 secondes tout au plus. Si fort qu'il fut, si entraîné aux exercices de lutte, Altenheim céda presque aussitôt en poussant un cri de douleur. Cernine se releva et courut vers la petite porte qui venait de se refermer sur une silhouette sombre. Trop tard, il entendit le bruit de la clé dans la serrure, il ne put l'ouvrir. « Ah, bandit » jura-t-il. « Le jour où je t'aurai, ce sera le jour de mon premier crime, mais pour Dieu !» Il revint, se baissa et recueillit les morceaux du poignard qui s'était brisé en le frappant. Altenheim commençait à bouger. Il lui dit « Eh bien, baron, ça va mieux? Tu ne connaissais pas ce coup-là, hein? C'est ce que j'appelle le coup direct au plexus solaire. C'est-à-dire que ça vous mouche votre soleil vital comme une chandelle. C'est propre, rapide, sans douleur et infaillible. Tandis qu'un coup de poignard, pouah, il n'y a qu'à porter un petit gorgerin à maille d'acier, comme j'en porte moi-même, et l'on se fiche de tout le monde, surtout de ton petit camarade noir, puisqu'il frappe toujours à la gorge, le monstre idiot. Tiens, regarde son joujou favori, des miettes. » Il lui tendit la main. « Allons, relève-toi, baron, je t'invite à dîner. Et veuille bien te rappeler le secret de ma supériorité, une âme intrépide dans un corps inattaquable. » Il rentra dans les salons du cercle, retint une table pour deux personnes, s'assit sur un divan et attendit l'heure du dîner en songeant. Évidemment, la partie est amusante, mais ça devient dangereux. Il faut en finir, sans quoi ces animaux-là m'enverront au paradis plus tôt que je ne veux. L'embêtant, c'est que je ne peux rien faire contre eux avant d'avoir retrouvé le vieux Steinweg. Car au fond, il n'y a que cela d'intéressant, le vieux Steinweg. Et si je me cramponne au baron, c'est que j'espère toujours recueillir un indice quelconque. Que diable en ont-ils fait? Il est hors de doute qu'Altenheim est en communication quotidienne avec lui. Il est hors de doute qu'il tente l'impossible pour lui arracher des informations sur le projet Kesselbach. Mais où le voit-il? Où l'a-t-il fourré? Chez des amis? Chez lui, au 29 de la Villa Dupont? Il réfléchit assez longtemps, puis alluma une cigarette dont il tira trois bouffées et qu'il jeta. Ce devait être un signal, car deux jeunes gens vinrent s'asseoir à côté de lui, qu'il semblait ne point connaître, mais avec lesquels il s'entretint furtivement. C'étaient les frères d'Hauteville, un homme du monde ce jour-là. « Qu'y a-t-il, patron ? » ?»« Prenez six de nos hommes, allez au 29 de la Villa Dupont et entrez. »« Fichtre, comment ? » ?»« Au nom de la loi. N'êtes-vous pas inspecteur de la sûreté ? Une perquisition. » « Mais nous n'avons pas le droit. Prenez-le. Et les domestiques, s'ils résistent, ils ne sont que quatre. S'ils crient, ils ne crieront pas. Si Altenheim revient, il ne reviendra pas avant 6 heures. Je m'en charge. Ça vous fait 2 heures et demie. C'est plus qu'il ne vous en faut pour fouiller la maison de fond en comble. Si vous trouvez le vieux Steinweg, venez m'avertir. » Le baron Altenheim s'approchait. Il alla au-devant de lui. « Nous dînons, n'est-ce pas ? Le petit incident du jardin m'a creusé l'estomac. À ce propos, mon cher baron, j'aurai quelques conseils à vous donner. » Ils se mirent à table. Après le repas, Cernine proposa une partie de billard qui fut acceptée. Puis, la partie de billard terminée, ils passèrent dans la salle de baccarat. Le croupier justement clamait « La banque est à 50 louis, personne n'en veut. » « 100 louis, » dit Altenheim. Cernine regarda sa montre, 10 heures. Les d'Hauteville n'étaient pas revenus, donc les recherches demeuraient infructueuses. « Banco, » dit-il. Altenheim s'assit et répartit les cartes. « J'en donne. » « Non. » « 7. » « 6. » « J'ai perdu, » dit Cernine. « Banco du double ?»« Soit, » fit le baron. Il distribua les cartes. « 8, » dit Cernine. « 9, » abattit le baron. Cernine tourna sur ses talons en murmurant « Ça me coûte 300 louis, mais je suis tranquille, le voilà cloué sur place. » Un instant après, son auto le déposait devant le 29 de la Villa Dupont et tout de suite il trouva les d'Hauteville et leurs hommes réunis dans le vestibule. « Vous avez déniché le vieux ?»« Non. » « Tonnerre, il est pourtant quelque part. Où sont les domestiques ?»« Là, dans l'office, attaché. » »« Bien. » »« J'aime autant n'être pas vu. Partez tous. » Jean, reste en bas et fais le guet. Jacques, fais-moi visiter la maison. » Rapidement, il parcourut la cave, le grenier. Il ne s'arrêtait pour ainsi dire point, sachant bien qu'il ne découvrirait pas en quelques minutes ce que ses hommes n'avaient pu découvrir en 3 heures. Mais il enregistrait fidèlement la forme et l'enchaînement des pièces. Quand il eut fini, il revint vers une chambre que d'Hauteville lui avait indiquée comme celle d'Altenheim et l'examina attentivement. « Voilà qui fera mon affaire, » dit-il, en soulevant un rideau qui masquait un cabinet noir rempli de vêtements. « D'ici, je vois toute la chambre. »« Et si le baron fouille sa maison ? Pourquoi ? Mais il saura que l'on est venu par ses domestiques. »« Oui, mais il n'imaginera pas que l'un de nous est installé chez lui. »« Il se dira que la tentative a manqué, voilà tout. Par conséquent, je reste. »« Et comment sortirez-vous ? Ah, tu m'en demandes trop. L'essentiel était d'entrer. » « Bah, d'Hauteville, ferme les portes. Rejoins ton frère et filez. À demain, ou plutôt. Ou plutôt. Ne vous occupez pas de moi. Je vous ferai signe en temps voulu. » il s'assit sur une petite caisse placée au fond du placard. Une quadruple rangée de vêtements suspendus le protégeait. Sauf le cas d'investigation, il était évidemment là en toute sûreté. 10 minutes s'écoulèrent. Il entendit le trot sourd d'un cheval du côté de la villa et le bruit d'un grelot. Une voiture s'arrêta, la porte d'en bas claqua, et presque aussitôt il perçut des voix, des exclamations, toute une rumeur qui s'accentuait au fur et à mesure, probablement, qu'un des captifs était délivré de son bâillon. « On s'explique, » pensa-t-il. « La rage du baron doit être à son comble. Il comprend maintenant la raison de ma conduite de ce soir au cercle, et que je l'ai roulé proprement. Roulé, ça dépend, car enfin Steinweg m'échappe toujours. Voilà la première chose dont il va s'occuper. Lui a-t-on repris Steinweg ? Pour le savoir, il va courir à la cachette. S'il monte, c'est que la cachette est en haut. S'il descend, c'est qu'elle est dans les sous-sols. » Il écouta. Le bruit des voix continuait dans les pièces du rez-de-chaussée, mais il ne semblait point que l'on bougeât. Altenheim devait interroger ses acolytes. Ce ne fut qu'après une demi-heure que Cernin entendit des pas qui montaient l'escalier. « Ce serait donc en haut, » se dit-il. « Mais pourquoi ont-ils tant tardé ?»« Que tout le monde se couche, » dit la voix d'Altenheim. Le baron entra dans la chambre avec un de ses hommes et referma la porte. « Et moi aussi, Dominique, je me couche. Quand nous discuterions toute la nuit, nous n'en serions pas plus avancés. » « Moi, mon avis, » dit l'autre, « c'est qu'il est venu pour chercher Steinweg. C'est mon avis aussi. Et c'est pourquoi je rigole, au fond, puisque Steinweg n'est pas là. Mais enfin, où est-il? Qu'est-ce que vous avez pu en faire? Ça, c'est mon secret. Et tu sais que mes secrets, je les garde pour moi. Tout ce que je peux te dire, c'est que la prison est bonne et qu'il n'en sortira qu'après avoir parlé. Alors, bredouille, le prince? Je te crois. Et encore, il a dû casquer pour arriver à ce beau résultat. Non, vrai, ce que je rigole. Infortuné prince. N'importe, reprit l'autre, il faudrait bien vite s'en débarrasser. Sois tranquille, mon vieux, ça ne tardera pas. Avant 8 jours, je t'offrirai un portefeuille d'honneur, fabriqué avec de la peau de lupin. Laisse-moi me coucher, je tombe de sommeil. Un bruit de porte qui se ferme. Puis Cernin entendit le baron qui mettait le verrou, puis qui vidait ses poches, qui remontait sa montre et qui se déshabillait. Il était joyeux, sifflotait et chantonnait, parlant même à haute voix. Oui, en peau de lupin, et avant 8 jours, avant 4 jours, sans quoi c'est lui qui nous boulottera, le sacripant. Ça ne fait rien, il a raté son coup ce soir. Le calcul était juste pourtant. Steinweg ne peut être qu'ici, seulement voilà. Il se mit au lit et tout de suite éteignit l'électricité. Cernin s'était avancé près du rideau, qu'il souleva légèrement, et il voyait la lumière vague de la nuit qui filtrait par les fenêtres, laissant le lit dans une obscurité profonde. « Décidément, c'est moi la poire, » se dit-il. « Je me suis blousé jusqu'à la gauche. Dès qu'il ronflera, je m'esquive. » Mais un bruit étouffé l'étonna, un bruit dont il n'aurait pu préciser la nature et qui venait du lit. C'était comme un grincement, à peine perceptible d'ailleurs. « Eh bien, Steinweg, où en sommes-nous ? » C'était le baron qui parlait. Il n'y avait aucun doute que ce fut lui qui parla, mais comment se pouvait-il qu'il parlât à Steinweg, puisque Steinweg n'était pas dans la chambre ? Et Altenheim continua. « Es-tu toujours intraitable ? Oui, imbécile. Il faudra pourtant bien que tu te décides à raconter ce que tu sais, non ? Bonsoir alors, et à demain. » « je rêve, » se disait Cernin. Ou bien c'est lui qui rêve à haute voix. Voyons, Steinweg n'est pas à côté de lui, il n'est pas dans la chambre voisine, il n'est même pas dans la maison. Altenheim l'a dit. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ahurissante? Il hésita. Allait-il sauter sur le baron, le prendre à la gorge et obtenir de lui, par la force et la menace, ce qu'il n'avait pu obtenir par la ruse? Absurdité. Jamais Altenheim ne se laisserait intimider. Allons, je pars, murmura-t-il. J'en serai quitte pour une soirée perdue. Il ne partit point. Il sentit qu'il lui était impossible de partir, qu'il devait attendre, que le hasard pouvait encore le servir. Il décrocha avec des précautions infinies 4 ou 5 costumes et paletots, les étendit par terre, s'installa, et le dos appuyé au mur, s'endormit le plus tranquillement du monde. Le baron ne fut pas matinal. Une horloge quelque part sonna 9 coups quand il sauta du lit et fit venir son domestique. Il lut le courrier que celui-ci apportait, s'habilla sans dire un mot, et se mit à écrire des lettres, pendant que le domestique suspendait soigneusement dans le placard les vêtements de la veille et que Cernine, les poings en bataille, se disait « Voyons, faut-il que je défonce le plexus solaire de cet individu ?» À 10 heures, le baron ordonna « Va-t'en !»« Voilà, encore ce gilet !»« Va-t'en, je te dis !»« Tu reviendras quand je t'appellerai, pas avant !» Il poussa la porte lui-même sur le domestique, attendit, un homme qui n'a guère confiance dans les autres, et s'approchant d'une table où se trouvait un appareil téléphonique, il décrocha le récepteur. « Allô, mademoiselle ? Je vous prie de me donner Garche. »« C'est cela, mademoiselle, vous me sonnerez. » Il resta près de l'appareil. Cernine frémissait d'impatience. Le baron allait-il communiquer avec son mystérieux compagnon de crime ? La sonnerie retentit. « Allô ?» fit Altenheim. « Ah, c'est Garche. »« Parfait. Mademoiselle, je voudrais le numéro 38. »« Oui ?» 38, 3, 8, 2 fois 4. Et au bout de quelques secondes, la voix plus basse et aussi nette que possible, il prononça « Le numéro 38 ? C'est moi. Pas de mots inutiles. Hier ? Oui. Tu l'as manqué dans le jardin. Une autre fois, évidemment, mais ça presse. Il a fait fouiller la maison le soir, je te raconterai. Rien trouvé, bien entendu. Quoi ? Allô ? Non. » Le vieux Steinweg refuse de parler. Les menaces, les promesses, rien n'y a fait. Allô ? Eh oui, parbleu, il sait que nous ne pouvons rien. Nous ne connaissons le projet de Kesselbach et l'histoire de Pierre-le-Duc en partie. Lui seul a le mot de l'énigme. Oh, il parlera, je t'en réponds. Et cette nuit même, sans quoi ? Et qu'est-ce que tu veux ? Tout plutôt que de le laisser échapper. Vois-tu que le prince nous le chipe ? Oh, celui-là, dans 3 jours... Il faut qu'il ait son compte. Tu as une idée ? En effet. L'idée est bonne. Oh, excellente. Je vais m'en occuper. Quand se voit-on, mardi, veux-tu ? Ça va. Je viendrai, mardi, à 2 heures. Il remit l'appareil en place et sortit. Cernine l'entendit qui donnait des ordres. Attention cette fois, hein. Ne vous laissez pas pincer bêtement comme hier. Je ne rentrerai pas avant la nuit. La lourde porte du vestibule se referma, puis ce fut le claquement de la grille dans le jardin et le grelot d'un cheval qui s'éloignait. Après 20 minutes, 2 domestiques survinrent, qui ouvrirent les fenêtres et firent la chambre. Quand ils furent partis, Cernine attendit encore assez longtemps jusqu'à l'heure présumée de leur repas. Puis, les supposant dans la cuisine, attablés, il se glissa hors du placard et se mit à inspecter le lit et la muraille à laquelle ce lit était adossé. « Bizarre, dit-il, vraiment bizarre. Il n'y a rien là de particulier. Le lit n'a aucun double fond. Dessous, pas de trappe. Voyons la chambre voisine. » Doucement, il passa à côté. C'était une pièce vide, sans aucun meuble. « Ce n'est pas là que gîte le vieux. Dans l'épaisseur de ce mur ? Impossible. C'est plutôt une cloison, très mince. Sapristi, je n'y comprends rien, moi. » Pouce par pouce, il interrogea le plancher, le mur, le lit, perdant son temps à des expériences inutiles. Décidément, il y avait là un truc, fort simple peut-être, mais que pour l'instant, il ne saisissait pas. « À moins que, se dit-il, Altenheim n'ait positivement déliré, c'est la seule supposition acceptable, et pour la vérifier, je n'ai qu'un moyen, c'est de rester. Et je reste, advienne que pourra. » De crainte d'être surpris, il réintégra son repère et n'en bougea plus, rêvassant et sommeillant, tourmenté d'ailleurs par une faim violente. Et le jour baissa, et l'obscurité vint. Altenheim ne rentra qu'après minuit. Il monta dans sa chambre, seul cette fois, se dévêtit, se coucha, et aussitôt, comme la veille, éteignit l'électricité. Même attente anxieuse, même petit grincement inexplicable. Et de sa même voix railleuse, Altenheim articula. Et alors, comment ça va, l'ami ? Des injures ? Mais non, mon vieux. ce n'est pas du tout ce qu'on te demande. Tu fais fausse route. Ce qu'il me faut, ce sont de bonnes confidences, bien complètes, bien détaillées, concernant tout ce que tu as révélé à Kesselbach. L'histoire de Pierre le Duc, etc. C'est clair. Cernine écoutait avec stupeur. Il n'y avait pas à se tromper cette fois. Le baron s'adressait réellement au vieux Steinweg. Colloque impressionnant. Il lui semblait surprendre le dialogue mystérieux d'un vivant et d'un mort. Une conversation avec un être innommable, respirant dans un autre monde, un être invisible, impalpable, inexistant. Le baron reprit, ironique et cruel. « Tu as faim. Mange donc, mon vieux. Seulement, rappelle-toi que je t'ai donné d'un coup toute ta provision de pain, et qu'en la grignotant à raison de quelques miettes en 24 heures, tu en as tout au plus pour une semaine. Mettons 10 jours. Dans 10 jours, quick, il n'y aura plus de Père Steinweg. À moins que, d'ici là, tu aies consenti à parler. Non? On verra ça demain. Dors, mon vieux. » Le lendemain, à 1 heure, après une nuit et une matinée sans incident, le prince Cernine sortait paisiblement de la villa du pont et, la tête faible, les jambes molles, tout en se dirigeant vers le plus proche restaurant, il résumait la situation. Ainsi, mardi prochain, Altenheim et l'assassin du Palace Hotel ont rendez-vous à Garches dans une maison dont le téléphone porte le numéro 38. C'est donc mardi que je livrerai les deux coupables et que je délivrerai M. Lenormand. Le soir même, ce sera le tour du vieux Steinweg. Et j'apprendrai enfin si Pierre le Duc est, oui ou non, le fils d'un charcutier, et si je peux dignement en faire le mari de Geneviève. Ainsi soit-il. Le mardi matin, vers 11 heures, Valenglet, président du conseil, faisait venir le préfet de police, le sous-préfet de la sûreté, M. Weber, et leur montrait un pneumatique signé Prince Cernine qu'il venait de recevoir. « Monsieur le président du conseil, sachant tout l'intérêt que vous portiez à M. Lenormand, je viens vous mettre au courant des faits que le hasard m'a révélés. M. Lenormand est enfermé dans les caves de la Villa des Glycines, à Garches, auprès de la maison de retraite. Les bandits du Palace Hôtel ont résolu de l'assassiner aujourd'hui à 2 heures. Si la police a besoin de mon concours, je serai à 1h30 dans le jardin de la maison de retraite ou chez Mme Kesselbach, dont j'ai l'honneur d'être l'ami. Recevez, monsieur le président du conseil, etc. Signé, Prince Cernine. » Voilà qui est extrêmement grave, mon cher monsieur Weber, fit Valenglet. J'ajouterai que nous devons avoir toute confiance dans les affirmations du prince Paul Cernine. J'ai dîné plusieurs fois avec lui. C'est un homme sérieux, intelligent. Voulez-vous me permettre, monsieur le président, dit le sous-chef de la sûreté, de vous communiquer une autre lettre que j'ai reçue également ce matin. Sur la même affaire? Oui. Voyons. Il prit la lettre et lut. Monsieur, vous êtes averti que le prince Paul Cernine, qui se dit l'ami de Madame Kesselbach, n'est autre qu'Arsène Lupin. Une seule preuve suffira. Paul Cernine est l'anagramme d'Arsène Lupin. Ce sont les mêmes lettres. Il n'y en a pas une de plus, pas une de moins. Signé L.M. Et M. Weber ajouta, tandis que Valenglet restait confondu, pour cette fois, notre ami Lupin trouve un adversaire à sa taille. Pendant qu'il le dénonce, l'autre nous le livre. Et voilà le renard pris au piège. Et alors, dit Valenglet. Et alors, monsieur le président, nous allons tâcher de les mettre d'accord tous les deux. Et pour cela, j'emmène 200 hommes.